له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. C'est un grand plaisir d'entamer un cours sur un savant parmi les grands savants de notre époque. Ceci pour nous rappeler que dans toutes les époques, Allah subhanahu wa ta'ala met des hommes qui préservent, apprennent et enseignent et propagent sa religion pure et claire comme il l'a révélé à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est aussi un enseignement pour nous, surtout dans des époques très difficiles où les gens du mal sont bien plus nombreux que les gens du bien, où le matérialisme prend le dessus et où les gens du bien trouvent du mal à trouver de la bonne compagnie. Et aussi pour nous rappeler qu'en lisant et étudiant la biographie de ces savants, cela ressemble beaucoup à la biographie et à la vie des premiers prédécesseurs, parmi les pieux prédécesseurs. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons voir un aperçu sur la biographie d'un grand savant, un imam de la Sunna, qui est Cheikh Muhammad Aman ibn Ali al-Jami, rahmahullahu ta'ala, qui est mort il y a maintenant près de 15 ans. Et cette brève biographie fut écrite par un de ses élèves il y a un peu plus de 10 ans. Donc il nous dit: فضيلة العلامة السلفي الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى ترجمته وثناء العلماء عليه. Donc sa biographie et les éloges des savants à son encontre. اسمه, donc son nom, هو محمد أمان ابن علي جامي علي Yukna bi Abi Ahmed. Donc il a comme surnom Abu Ahmed. Mawtinuhu al-Habasha. Son pays d'origine, c'est l'Abyssinie, qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Il est d'origine éthiopienne. Rahmahullahu ta'ala. Mantiqatu Harar, qaryatu Taghatab. Il est d'un village qui s'appelle Taghatab, de la région de Harar. Il se trouve donc dans Al-Habasha, qui est l'Éthiopie. Sanatu wiladati, l'année de sa naissance. Wulida rahimahullah, kama huwa mudawwanun fi awraqihi ar-rasmiyya, sanata 1349 hijriya. Donc il est né, comme cela est enregistré dans ses papiers officiels, en l'an 1349 de l'Hégire, ce qui fait à peu près l'ère grégorien 1928-1929 à peu près. Faslun fi talabihi lil ilm. Donc là, on va voir son, sa quête de la science. طلبه للعلم في الحبشة. Sa quête de la science en Éthiopie. نشأ الشيخ رحمه الله في قرية طغطاب وفيها تعلم القرآن. Donc le cheikh a grandi dans son village qui s'appelle Taghatab, et dedans, dans ce village, il a mémorisé, il a appris le Saint Coran. وبعدما ختمه شرع في دراسة كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. Puis après avoir mémorisé et appris le Coran, il a étudié les ouvrages selon le rite shafi'ite, hein, car dans sa région, les gens étaient de rite shafi'i. وَدَرَسَ الْعَرَبِيَّ فِي قَرْيَتِهِ أَيْضًا. Et il a aussi étudié la langue arabe dans son village, عَلَى الشَّيْخ مُحَمَدْ أَمِينَ الْهَرَرِي, chez un cheikh qui s'appelait Mohamed Amin al-Harari. ثُمَّ تَرَكَ قَرْيَتَهُ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَّ إِلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى. Puis une fois qu'il a terminé cet apprentissage dans son village, il l'a quitté vers un autre village où il pouvait approfondir ses connaissances comme il était habitué à l'époque. وفيها التقى مع زميل طلبه وهجرته إلى البلاد السعودية الشيخ عبد الكريم. Puis dans ce village dans lequel il est parti, hein, il a trouvé un camarade avec lequel il va étudier et qui sera aussi son camarade dans l'immigration plus tard vers l'Arabie Saoudite. فانعقدت بينهما الأخوة الإسلامية. Et est née entre les deux la fraternité musulmane entre ces deux étudiants. ثم ذهب معا إلى شيخ يسمى الشيخ موسى ودرس عليه نظم الزبد لابن رسلان. Puis ils sont partis les deux chez un cheikh qui s'appelait Moussa, chez qui ils ont étudié plusieurs ouvrages. ثم درس متن المنهاج على الشيخ أبادر وتعلم في هذه القرية عدة فنون. Et ils ont étudié plusieurs matières religieuses chez ces chouyours dans ce nouveau village. ثم اشتاق إلى السفر للبلاد المقدسة مكة المكرمة. Puis une fois terminées les études dans ce village, ils avaient l'envie de rejoindre la terre sainte, la Mecque, pour y accomplir le pèlerinage et pour aussi approfondir leurs connaissances. للتعلم وأداء فريضة الحج فخرج من الحبشة إلى الصومال. Donc ils ont quitté l'Éthiopie en se dirigeant vers la Somalie. فركب البحر متوجهين إلى عدن. Et ils sont montés dans un bateau en direction de Aden, qui est au Yémen. Car la Somalie, elle fait face au Yémen. Il n'y a que la mer Rouge qui les sépare. حيث واجهتهما مصاعب ومخاطر في البحر والبر. Et pendant leur voyage, ils ont fait face à beaucoup de problèmes et de difficultés, que ce soit sur mer ou sur terre. ثم سار إلى الحديدة سيرا على الأقدام. Puis de Aden, ils ont été jusqu'à la ville de l'Hudaïda, qui est aussi au Yémen, à pied. Il faut dire les difficultés de l'époque, hein. C'était à la fin des années 40, donc c'était très difficile à l'époque. فصام شهر رمضان فيها. Et ils ont passé le mois de Ramadan dans la ville de Hudaïda. Et ils ont jeûné tout ce mois dans cette ville. C'est pour vous dire que, à l'époque, les gens qui voulaient aller faire le pèlerinage, eh ben, ils y allaient très tôt. Ça, puisqu'ils ont jeûné le mois de Ramadan à Al-Hudaïda, on y comprend qu'ils ont quitté l'Habasha, l'Éthiopie, bien avant le mois de Ramadan. Alors que le mois de Ramadan, il reste pour le Hajj 3 mois. On a Ramadan, Shawwal, Dhul Qi'da et Dhul Hijja. Le début de Dhul Hijja, c'est le mois les jours du pèlerinage. Donc ils étaient obligés de partir plusieurs mois à l'avance pour pouvoir atteindre la Mecque et accomplir le pèlerinage. Et subhanallah, c'est une période, les années 40, où beaucoup de gens de science ont quitté leur pays pour le pèlerinage et que plus tard seront des grands savants de l'Arabie. C'est la même période où Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, le grand muhaddith de Médine, qui est mort aussi il y a une quinzaine d'années, il avait quitté le Mali. Il est originaire du Mali. Et ce sera plus tard le grand savant et le grand muhaddith de Médine. C'est la même période aussi où Cheikh Mohamed al-Amin al-Shinqiti quitte la Mauritanie dans les années 40. Et il arrive en Arabie, et puis ce sera le grand savant aussi de Riyad et de Médine, rahimallahu al-jami'a. Et bon, lui, il est mort en 73. Ça fait déjà bientôt 38 ans. Et donc là, on voit aussi Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il y avait aussi Cheikh Abdelrazzaq Afifi, qui lui avait quitté l'Égypte et sera un des grands savants de Riyad plus tard. Rahimallah al-Jami'a. Et plein d'autres qui sont arrivés là-bas et ils ont résidé là-bas et c'est devenu des grands savants qui ont fait profiter les gens de leur savoir et de leur connaissance. فصام شهر رمضان فيها ثم غادر إلى السعودية فمر بصامتة وبعريش حتى حصل على إذن الدخول إلى مكة. Donc après avoir jeûné le mois de Ramadan, ils ont quitté le Yémen en direction de l'Arabie Saoudite et ils sont arrivés à Samita. C'est une ville dans le sud de l'Arabie, pas loin de la frontière avec le Yémen. Et ils ont eu la permission de pouvoir entrer à la Mecque pour pouvoir y accomplir le pèlerinage. وَكَانَ هَذَا سَيْرًا عَلَى الْأَقْدَامِ. Et tout ce trajet, ils l'ont fait à pied. Tout ce voyage, ils l'ont fait à pied. وَفِي الْيَمَنِ حَذَّرَهُمَا بَعْضُ الشُّيُوخِ فِيهَا مِنَ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا الْوَهَابِيَّةِ. Et lorsqu'ils étaient au Yémen, certains chouyours de ce pays les ont mis en garde, puisqu'ils savaient qu'ils voulaient se diriger vers la Mecque, donc vers l'Arabie, et ils les mettaient en garde contre cette da'wa bénie, qui est la da'wa prêchée, qui retourne aux pieux prédécesseurs, et qu'ils appellent faussement la da'wa al-wahhabiyya, en référence à Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qui n'est pas venu avec une religion nouvelle, ni avec une doctrine nouvelle, mais il est venu inviter les gens à retourner aux sources, à retourner aux dogmes enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dogme authentique, à l'adoration de la véritable divinité qui est Allah tabaraka wa ta'ala, et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, que ce soit un ange approché, ou un prophète envoyé, ou qui que ce soit, personne n'est en droit d'être adoré, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et les gens ne voulaient pas de ce prêche, mais ils voulaient rester dans leurs innovations et dans leurs actes de polythéisme. Et ils ont donné comme nom à cette da'wa bénie, à da'wa al-wahhabiyya. Et les premiers qui ont fait cela, ce sont les Ottomans, les Turcs, pour faire fuir les gens et faire peur aux gens, alors que ce n'est que le véritable islam enseigné par le prophète, alayhi salatu wassalam, la véritable religion agréée par Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée aucune autre religion en dehors d'elle. Et le Yémen, surtout à l'époque, il est connu qu'en règle générale, les gens étaient zaydites. C'est une branche du chiisme, bien qu'elle est moins dangereuse que le chiisme de l'Iran, qui est le chiisme de l'Iran, mais ça reste quand même du chiisme, et ça reste une secte égarée. Mais alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, beaucoup au Yémen sont revenus à la sunna et sont revenus, alhamdulillah, à la droiture, après que des savants et des chouyours ont fait un grand travail sur ce peuple pour les faire revenir à la droiture, et parmi lesquels, celui qui est le connu pour avoir fait un grand travail, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala, qui lui-même, dans sa jeunesse, il était zaydite. Puis, alhamdulillah, en arrivant en Arabie, il a connu la vérité, il a connu la sunna, et plus tard, il sera, alhamdulillah, un grand savant et le grand muhaddith du Yémen, rahimahullahu ta'ala. طلبه للعلم في السعودية. Sa quête du savoir en Arabie. بعد أداء الشيخ فريضة الحج عاد عام 1369 هجرية. Après que le cheikh ait accompli le pèlerinage en l'an 1369 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près 1948-1949. C'est-à-dire que le cheikh, il avait la vingtaine. Il avait à peu près 20 ans à ce moment-là. بدأ رحمه الله طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم المبثوثة في رحابه. Et donc il a commencé à étudier dans les cercles d'études religieuses. Ils étaient nombreux autour de la mosquée sacrée. واستفاد من فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة rahimahullah. Et il a profité d'un grand savant qui était là-bas à ce moment-là, qui est le Cheikh Mohammed Abdul Razzaq Hamza rahimahullah ta'ala. Et c'est un Cheikh d'origine égyptienne, lui aussi, qui avait quitté l'Égypte à l'époque pour aller en Arabie. Et il lui avait été donné comme fonction l'enseignement dans la mosquée sacrée. Et il a participé aussi à l'ouverture d'une école du hadith, Darul Hadith al-Khayriya. Donc c'était à Mecca, qui existe toujours, cette école, où on enseigne le Coran et les livres de hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahmahullah, a profité de ce cheikh, ainsi que d'autres qu'on va voir. Wa fadilat al-Cheikh Abdul Haq al-Hashimi, rahmahullah. Wa fadilat al-Cheikh Mohamed Abdullah al-Somali, et bien d'autres. Et il y avait aussi le fondateur de Darul Hadith al-Khayriya, al-Sheikh Abdul Zahir Abu Samh, rahimahullah, qui était l'imam de la Masjid al-Haram et qui est aussi d'origine égyptienne et qui avait quitté l'Égypte pour venir à la Mecque. وفي مكة تعرف على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. Et il a aussi fait connaissance et il est devenu l'étudiant du grand savant, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, le grand savant très connu. Wa sahibahu fi safarihi ila Riyad lamma ftutiha al-ma'had al-ilmi. Et il l'a accompagné pendant son voyage, il a accompagné Cheikh Ibn Baz jusqu'à Riyad, lorsqu'ils allaient ouvrir l'Institut d'études religieuses qui allait ouvrir à ce moment-là à Riyad. Et qui sera la première pierre, en vérité, de la future université islamique de Riyad. Jami'at al-Imam Mohammed bin Saoud. Au début, c'était un institut. Puis plus tard, ce sera l'université islamique de Riyad connue. Wa kana dhalika fi awa'il as-sab'iniyat al-hijriya. Et c'était au début des années 70 de l'Hégire, c'est-à-dire au début de 1370, au début des années 50 de l'ère chrétienne. وَمِمَّنْ زَامَلَهُ فِي دِرَاسَتِهِ الثَّانَوِيَّ بِالْمَعْهَدِ الْعِلْمِ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الْمُحْسِنِ بْنُ حَمَدْ الْعَبَّادِ. Et parmi ses camarades de classe, parce que là il va rentrer dans cet institut qu'il venait d'ouvrir, il aura qui comme camarade? Al-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, le grand muhaddith de Médine, qui est encore vivant, hafidhahullah ta'ala, et qui enseigne, qui était l'ancien président de l'université islamique de Médine, et qui est enseigné aussi, et qui enseigne aujourd'hui, maintenant, depuis très longtemps, dans la mosquée du prophète, alayhissalatu wassalam, et qui enseigne les livres de hadith. Et dans, il y a pas quelques mois de ça, il a terminé le sixième livre de hadith. Ça, il les avait commencé il y a 25 ans. Donc il a enseigné pendant ses 25 ans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Alhamdulillah, et tout ça s'est enregistré dans des audios. C'est l'enseignement des 6 livres de hadith qu'il avait commencé en 1985 et qu'il a terminé en 2010, pendant 25 ans. Et là, alhamdulillah, il a réouvert Sahih al-Bukhari à nouveau. Alhamdulillah. Et donc, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, c'était son camarade de classe, Cheikh Mohamed Aman, donc au début des années 50, à Riyad. وفضيلة الشيخ علي ابن مهنا القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة سابقا. Il avait aussi pour un camarade de classe le Cheikh Ali ibn Muhanna, qui était le juge de la, du grand tribunal religieux de Médine auparavant. كما أنه لازم حلق العلم المنتشر في الرياض. De même qu'il a profité des cercles d'études qui étaient nombreux hein, dans la ville de Riyad. فقد استفاد وتأثر بسماحة المفتي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. Et il a profité, il a beaucoup appris du grand savant, l'imam, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. C'est le grand professeur de Cheikh Ben Baz et qui était donc l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. كما كان ملازما لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله. De même qu'il a profité de ce grand savant qui est Cheikh Abd al-Rahman al-Ifriqi, qui était d'origine africaine, un grand savant d'Arabie aussi, qui avait quitté l'Afrique pour l'Arabie, et qui ouvrira Dar al-Hadith à Médine, une école qui existe encore à Médine, et ce sera l'initiateur de cette école, le Cheikh Abd al-Rahman al-Ifriqi, rahimahullah. Kama lazama samahat al-Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullah. Comme on a vu aussi, donc il a aussi profité que pendant qu'il était à Riyad de prendre de la science de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. فَنَهَلَ مِنْ عِلْمِهِ الْجَمْءُ وَخُلُقِهِ الْكَرِيمُ. De sorte qu'il a pris beaucoup de la science de Cheikh Ibn Baz ainsi que de son comportement. Car Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on sait que c'est un grand savant et un grand imam dans le savoir, mais c'était un grand exemple dans le domaine du comportement et dans le domaine du caractère, et il a beaucoup pris de lui. كما أخذ العلم بالرياض على فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. De même qu'il a appris de chez الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان donc à Riyad. Car الشيخ الشنقيطي رحمه الله, il a un ouvrage où il explique son voyage à la Mecque qui a duré près de 6 mois. Un ouvrage, il fait à peu près 400-500 pages. Il raconte en détail depuis qu'il a quitté la Mauritanie jusqu'à qu'il arrive à la Mecque. Et comment des gens, des Saoudiens, des émirs étonnés de son savoir, lui ont demandé de rester. Et donc il était à Médine. Quand l'institut a ouvert à Riyad, on lui a demandé de venir à Riyad pour enseigner. Et il a enseigné dans cet institut, dans lequel on a vu Mohamed Aman sera étudiant. De même que Cheikh Abdel Mahsin Al-Abbad, Hafidahullah. De même que Cheikh Al-Uthaymin sera étudiant dedans. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a une anecdote là-dessus. C'est que lui, il étudiait chez Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, fil Qasim. Puis, lorsque le Ma'had, l'institut a ouvert, il a voulu partir. Il a demandé la permission à son Cheikh de pouvoir le quitter pour aller étudier. Lorsqu'il est venu à Riyad, donc dans l'institut de Riyad, il est arrivé, il était à côté d'un camarade à lui, et c'est Cheikh Shinqiti qui rentre. Et Cheikh Shinqiti, c'est à l'ancienne. Il ne fait pas attention à son kamis, à sa outra, comment elle est mise. C'est, en plus, c'est quelqu'un du désert. Et donc, quand il l'a vu, il a dit, mais pourquoi j'ai quitté Cheikh Saadi pour cet homme-là? Il ne savait pas, il ne le connaissait pas. Donc, il l'a sous-estimé, subhanallah. Et il le raconte, Cheikh Al-Uthaymin. Il dit, mais lorsqu'il a pris la parole, il a dit, là, j'ai vu le savoir qu'avait cet homme-là. Subhanallah. Donc, l'apparence, ce n'était pas trop ça qu'il fallait, sur laquelle il fallait s'attarder. Et c'était un homme rempli de science. Rahimallahu al-jami'a. Wa fadilat al-Sheikh al-Allam al-Muhaddith Hamad al-Ansari rahimahullah. Et il a aussi appris à Riyad de chez Sheikh Hamad al-Ansari, le grand Muhaddith de Médine, qui était à cette époque-là professeur à Riyad. Wa ta'athar al-Mutarjam lahu bi-Sheikh Abdul Razzaq Afifi kathiran hatta fi uslubi tadrisihi. Et Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a beaucoup été touché par la carrure de Cheikh Abdul Razzaq Afifi, de sorte qu'il prenait exemple de lui dans la façon d'enseigner. Et Cheikh Abdul Razzaq Afifi, c'est un énorme savant de la Sunna, et qui était l'adjoint de Cheikh Ibn Baz fil Ifta, dans l'Ifta à Riyad. De sorte que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, disait de lui, il mérite ma place avant moi. il mériterait d'être à ma place, c'est d'être lui, le président de l'Ifta à Riyad. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un cheikh d'origine égyptienne et qui avait quitté l'Égypte pour l'Arabie. Rahimahullah, il est mort en 1993 ou 94. Il avait plus de 90 ans quand il est mort, rahimahullah ta'ala. كما استفاد وتأثر بفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث كانت بينهما مراسلات. De même qu'il a beaucoup été touché par le Cheikh Al-Sa'di, Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, mais il ne l'a pas rencontré. Mais il y avait des écrits entre eux. Il s'écrivait beaucoup de messages, beaucoup de lettres entre eux. Donc il le connaissait, mais il n'a jamais pu étudier directement chez lui. Donc il le dit bien, « Ilman bi anna al-mutarjam lahu lam yadrus ala Cheikh Sa'di » Il a bien précisé que directement il n'a jamais étudié chez lui, mais il se connaissait et il y avait des écrits entre eux. كما تعلم على فضيلة الشيخ العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. De même qu'il a étudié chez le grand savant Muhammad Khalil Harras رحمه الله تعالى, un grand savant aussi de la Sunna d'origine égyptienne qui était enseignant en Arabie. وكان متأثرا به أيضا. Il a beaucoup été touché par ce cheikh. كما استفاد من فضيلة الشيخ Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah ta'ala, de même qu'il a appris chez Cheikh Abdullah al-Qar'awi, ce grand savant envoyé par le mufti de l'époque, Muhammad Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah al-Jami', prêcher la sunna dans le sud de l'Arabie et qui sera à l'origine de l'ouverture de Al-Ma'had al-Salafi, fi Samita, fi Matir Jazan. Donc c'est le sud de l'Arabie, pas loin de la frontière du Yémen. C'est lui qui est à l'origine pour l'ouverture de cet institut salafi dans lequel sortiront de grands savants comme Cheikh Hafd Hakami, rahimahullah ta'ala, Cheikh Rabia, il a étudié là-bas. Et on verra aussi que Cheikh Mohamed Aman a enseigné dans cet institut lorsque Cheikh Ben Baz a demandé au mufti Cheikh Mohamed Ibrahim al-Sheikh de l'envoyer pour enseigner là-bas. Dans cet institut qui existe jusqu'à nos jours. فصل في مؤهلاته العلمية. Donc là, on va voir les diplômes qu'avait le Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah ta'ala, après qu'on ait vu parmi les grands savants chez qui il a étudié. حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض. Donc, il a eu ce qu'on pourrait appeler le baccalauréat religieux de l'institut religieux scientifique de Riyad. ثم انتسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها سنة 1380 هجرية. Puis il s'est inscrit à la faculté de la jurisprudence ou de la charia à Riyad et il a pris son diplôme donc c'était le diplôme de la licence en 1380 de l'Hégire. Mais en général, beaucoup de ces savants, ils étaient déjà connus pour leur savoir et pour leur acquis, mais au même moment, ils cherchaient à avoir des diplômes et ils le faisaient par correspondance. Ils le faisaient par correspondance. Donc c'est vrai, il dit « intasaba ilayha », c'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans cette faculté, mais au même moment, il était professeur autre part. Mais il s'est présenté pour les examens. Et ça, beaucoup de savants ont fait de la sorte. Donc, en l'an 1380, il a eu son diplôme, c'est-à-dire à l'équivalent à peu près en 1960. ثم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب عام 1974 ميلادي. Et en 1974, il a eu le magistère dans la charia de l'université du Punjab. Punjab, c'est une région qui est entre le Pakistan et l'Inde. Mais là, je pense que ça doit être au Pakistan qu'il a dû l'avoir. ثم الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة. Puis, il a eu son doctorat de la faculté de l'université du Caire. فصل في مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. Donc, sa place chez les savants et les éloges des savants à son encontre. لقد كان للشيخ رحمه الله مكانته العلمية عند أهل العلم والفضل. Donc le cheikh avait une grande place auprès des gens de la science et de la vertu. فَقَدْ ذَكَرُوهُ بِالْجَمِيلِ وَكَانَ مَحَلُّ ثِقَتِهِمْ. Hein, ils l'ont cité combien, ils parlaient de lui combien, et c'était quelqu'un de confiance auprès d'eux. بَلْ بَلَغَتِ الثِّقَةِ بِعِلْمِهِ وَعَقِيدَتِهِ أَنَّهُ عِنْدَمَا كَانَ طَالِبًا فِي الرِّيَاضِ وَرَأَى شَيْخُهُ سَمَاحَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَجَابَتَهُ وَحِرْصَهُ عَلَى الْعِلْمِ قَدَّمَهُ إِلَى سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ حيث تم التعاقد معه للتدريس بمعهد صامت العلمي بمنطقة جازان. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Pendant qu'il était étudiant à Riyad, le Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il a vu la volonté de cet homme et la connaissance qu'il avait et la bonne croyance sur laquelle il était, il l'a proposé au Mufti, à Cheikh Mohamed Ibrahim al-Sheikh, pour qu'il soit enseignant dans l'institut religieux de Samita, dans la région de Jazan, au sud de l'Arabie. وأيضا مما يدل على الثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتدب للتدريس فيها بعد وقوع اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. De sorte aussi que lorsque l'université islamique de Médine a ouvert en 1381 de l'Hégire, 1961, c'était l'année de son ouverture, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'a proposé pour qu'il soit enseignant dans cette université à Médine. Et c'était une très belle époque, puisque l'université islamique à son ouverture elle n'était tenue que par des grands savants. Que des grands savants connus pour leur droiture et pour leur sunna et pour leur bonne croyance. À la tête, il y avait le mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala. Son suppléant, c'était al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Parmi les enseignants, à l'ouverture même de l'université, il y avait, comme on vient de voir, Sheikh Muhammad Ibrahim al-Sheikh. Il y avait Sheikh ibn Baz. Il y avait Sheikh Muhammad Aman. Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad. Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti. Sheikh Hamad al-Ansari. C'était que des grosses pointures, comme on dit. Que des grands savants, des grands imams qui étaient enseignants dans cette université et dont les premiers étudiants ont bien profité de cette présence. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَامِعَ الْإِسْلَامِيَّةِ أُنْشِئَتْ لِنَشْرِ الْعَقِيدَ السَّلَفِيَّةِ. Et il est connu de tous que la fondation de cette université, c'était pour, la première chose, propager la croyance salafi, la véritable croyance, la croyance des pieux prédécesseurs. وَقَدْ أَوْكَلَتِ الْجَامِعَةَ تَدْرِيسَ هَذِي الْعَقِيدَةِ إِلَى فَضِيلَةِ الْمُتَرْجَمْ لَهُ بِالْمَعْهَدِ الثَّانَوِي ثم بكلية الشريعة ثقة بعقيدته وعلمه ومنهجه رحمه الله. Et l'enseignement du dogme a été donné à ce cheikh Mohamed Aman al-Jami رحمه الله. C'est bien pour dire la place qu'il avait auprès des savants à cette époque et qu'il reconnaissait qu'il était sur une bonne croyance et un bon cheminement. Maintenant, nous allons voir certains éloges faits par des savants à son encontre. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة. Donc il dit concernant Mohamed Aman رحمه الله, il est connu auprès de moi pour être quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un de vertu et quelqu'un qui a un bon dogme. والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه. Et il a beaucoup d'engouement dans le prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. والتحذير من البدع والخرافات. Et la mise en garde contre les innovations et tout ce qui est inventé dans la religion. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته إنه سميع قريب. Puis il a fait des doigts. Il faut dire que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il a dit ces paroles, Cheikh Mohamed Aman était déjà mort. Rahimahullah al-Jami'a. وقال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله un grand savant de Riyad من هيئة كبار العلماء il dit الشيخ محمد أمان كما عرفته le Cheikh Mohamed Aman comme je l'ai connu إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون certes ceux qui ont appris et ceux qui possèdent des grands diplômes sont nombreux. Chaque année, des diplômés, il y en a qui sortent. C'est parce qu'il manque des diplômés. والشيخ ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. Mais très peu parmi eux sont ceux qui profitent de leur savoir et qu'on profite de leur savoir. Donc, c'est pour, le cheikh veut dire que si on vient à chercher des gens qui ont étudié, qui ont appris, il y en a beaucoup. Des gens qui ont des diplômes, il y en a beaucoup. Mais dans tout ce nombre, combien y en a-t-il qui profitent eux-mêmes du savoir, que leur savoir leur a été profitable? Et qui ont fait profiter les autres de leur savoir? Ça, cette partie-là, ils sont très peu. Très peu atteignent ce degré. والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة. Et Cheikh Mohamed Aman fait partie de ce petit nombre. من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة. De ce petit nombre de savants qui ont mis leur volonté et leur courage dans l'enseignement et la propagation de ce savoir pour qu'il soit bénéfique pour les musulmans et le prêche sur une clairvoyance. Min khilal tadrisihi fil jami'a al-islamiyya. Et on voit cela dans son enseignement qu'il a donné à l'université islamique de Médine ou al-fil masjid al-nabawi al-sharif ainsi que son enseignement donné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي جولاته في الأقطار الإسلامية et aussi dans ses voyages dans les contrées islamiques وتجواله في المملكة ainsi que dans les alentours de l'Arabie dans les régions de l'Arabie لإلقاء الدروس والمحاضرات في مختلف المناطق dans les conférences et les cours qu'il a donné dans toutes ces régions يدعو إلى التوحيد il y appelle au monothéisme وينشر العقيدة الصحيحة Et il propage le dogme authentique. وَيُوَجِّهُ شَبَابَ الْأُمَّةِ إِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ Et il dirige les jeunes de cette communauté vers la voie des pieux prédécesseurs. وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْمَبَادِ الْهَدَّامَةِ Et il les mettait en garde contre toute idéologie destructrice. وَالدَّعَوَاتِ الْمُضَلِّلَةِ Et les prêches qui égarent. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ شَخْصِيًّا فَلْيَعْرِفُ مِنْ خِلَالِ كُتُبِهِ الْمُفِيدَةِ وَأَشْرِطَتِهِ الْعَدِيدَةِ Et celui qui ne l'a pas connu en personne, qu'il aille à sa rencontre par le biais des livres bénéfiques qu'il a laissés, ainsi que ses nombreux audios qu'il a laissés. أَلَّتِي تَتَضَمَّنُ فَيْضَ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ عِلْمٍ غَزِيرٍ وَنَفْعٍ كَثِيرٍ Dans lesquels, dans ses livres et dans ses audios, on y retrouve une partie de son grand savoir et de ce grand bénéfice. وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى المدرس بالمسجد النبوي حفظه الله عرفت الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي. Donc il dit j'ai connu le Cheikh Mohamed Aman al-Jami رحمه الله en tant qu'étudiant dans l'institut de Riyad. Quand lui-ci même il était étudiant. ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Et je l'ai connu aussi en tant qu'enseignant dans l'université islamique de Médine. عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه. Je l'ai connu comme une personne qui a un bon dogme et un bon chemin et qui est sur une bonne voie. وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف. Et il était connu pour avoir une grande connaissance dans le dogme, pour expliquer le dogme selon la voie des pieux prédécesseurs. وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدَعِ et la mise en garde contre les innovations. وَذَلِكَ فِي دُرُوسِهِ وَمُحَضَرَاتِهِ وَكِتَابَاتِهِ et cela, on le retrouve dans ses cours, dans ses conférences et dans ses écrits. غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَرَحِمَهُ وَأَجْزَلَ لَهُ الْمَثُوبَةِ وقال معالم مدير الجامعة الإسلامية سابقا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله تعالى الشيخ صالح العبود qui est l'ancien président de l'université islamique de Médine. Il dit الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد رغب مني الأخ الشيخ مصطفى بن عبد القادر c'est l'élève de Cheikh Mohamed Aman qui a écrit cette biographie. أن أكتب عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شيئا مما أعرفه عنه من المحاسن لتكون من بعده في الآخرين. فأجبته بهذه الأحرف اليسيرة على الرغم من أنني لم أكن من تلامذته ولا من أصحابه الملازمين له طويل ملاقاته ومخالطاته. ولكن سار بين وبينه رحمه الله لقاءات استفدت منها. Donc le cheikh il dit cet élève m'a demandé d'écrire sur ce que je sais sur mon cheikh Mohamed Aman rahimahullah, bien que je n'étais pas parmi ses élèves et je n'ai pas eu à le rencontrer beaucoup, mais dans le peu de rencontres qu'il y a eu entre nous, dans lesquelles j'ai pu profiter de lui, il dit وتم من خلالها التعارف وانعقاد المحبة بيننا في الله تعالى وتوثيق التوافق على منهج السلف الصالح في العقيدة والرد على المخالفين. Donc lorsqu'ils se sont rencontrés à quelques reprises, ils étaient sur le même cheminement, et ils se sont aimés en Allah tabaraka wa ta'ala, car ils avaient la même vision de propager la bonne croyance, le bon dogme, et de mettre en garde et de réfuter tous ceux qui vont à son encontre. رحم الله الشيخ محمد أمان وأسكنه فسيح جناته وألحقنا وإياه بالصالحين من أمة محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. وقال فضيلة الشيخ محمد بن علي بن محمد الثاني المدرس بالمسجد النبوي رحمه الله. Et donc ce cheikh qui était enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وفضيلته عالم سلفي من الطراز الأول. Il veut dire, et son excellence, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, est un savant salafi, si on peut traduire par de première qualité. Tellement qu'il était connu pour sa pureté dans son manhaj et dans sa croyance. Il a akhirih. وقال فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب مرزوق البنا اللي لا حفظه الله encore vivant mais il est mort il y a pas très longtemps رحمه الله تعالى, aussi un grand savant qui était aussi à Médine, puis il a terminé sa vie à Jeddah. Il est mort, je pense, il y a 2 ans. Il avait presque 100 ans, رحمه الله تعالى, et qui était d'origine égyptienne. C'est un cousin du fondateur des frères musulmans. Et subhanallah, c'était 2 chemins différents. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, il a fondé un groupe qui nous fait du mal depuis sa création jusqu'à nos jours. Et c'est un mal dans la communauté musulmane parce qu'ils ont dévié de la droiture et de la voie des pieux prédécesseurs. Et de la même famille est sorti ces savants-là. Donc c'est son cousin. Et il a aussi un petit frère, pour dire, par rapport à lui, mais qui a presque 90 ans. Il s'appelle aussi Hassan al-Banna, qui est au Caire, hafidhahullahu ta'ala. Donc, le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah, dit « وَلَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ مَا نُحِبُّ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَسَلَامَةِ الْعَقِيدَةِ وَطِيبِ الْعُشْرَةِ » Et il parle, en parlant de Mohamed Aman, rahimahullah, il dit « Et il était, qu'Allah lui fasse clémence, sur la meilleure voie qu'on puisse aimer, et doté d'un bon comportement. » Et il avait une bonne croyance. Et il était de bonne compagnie. As'alullah an yataghammadahu bi rahmatihi wa yuskinahu fasiha jannatihi ويجمعنا جميعا إخوانا على سرر المتقابلين. وكتب فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة المدرس بالمسجد النبوي ومدير شعبة دار الحديث رحمه الله. الشيخ عمر فلاتة رحمه الله un grand savant aussi de Médine qui était d'origine africaine, d'origine du Mali, رحمه الله un grand savant de Médine et dont Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad a écrit une biographie sur lui. Et aussi, il était après la mort de Cheikh Abdel Rahman Al-Ifriqi, c'est lui qui a pris la présidence de Dar al-Hadith de Médine. Et qu'est-ce qu'il dit ? وَبِلْ جُمْلَةِ فَلَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهِ صَادِقَ اللَّهْجَةِ عَظِيمَ الْإِنْتِمَالِ مَذْهَبَ أَهْلِ السُنَّةِ. Donc en parlant de Cheikh Mohamed Aman, رحمه الله, il dit, c'était quelqu'un de véridique, qui parlait avec véracité et qui était fier de son appartenance et de son affiliation à la voie de Ahl Sunnah. Qawil irada et qui était d'une grande volonté. Da'iyan ila Allah bi qawlihi wa 'amalihi wa lisanihi et qui prêchait à Allah avec sa parole, avec ses actes et sa langue. 'Afl lisan, il préservait sa langue de ce qui était interdit. Qawi al bayan et il savait s'argumenter. Sari al ghadab 'inda intihaki hurumat Allah, mais il se mettait en colère rapidement lorsque les lois d'Allah étaient bafouées. Tatahaddathu 'anhu majalisuhu fi al masjid nabawi al sharif allati addaha wa qama biha. Il suffit de voir ses assemblées dans la mosquée du prophète sallam pour savoir qui il était vraiment. وتآليفه التي نشرها et les livres qu'il a écrits. ورحلاته التي قام بها et ses voyages qu'il a accomplis. ولقد رافقته في السفر فكان نعم الصديق et je l'ai accompagné, on a voyagé ensemble et c'était un très bon compagnon. ورافقه وفضيلة الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وغيره فكان له ايضا نعم الرفيق. Et il a accompagné aussi à une certaine époque le Cheikh Mohamed Amin al-Shamqiti rahimahullah dans ses voyages et il était un très bon compagnon. Le Cheikh al-Shamqiti a reconnu que Cheikh Mohamed Aman était un très bon compagnon lors du voyage. والسفر هو الذي يظهر الرجال على حقيقتهم. Et le voyage, c'est le moment où tu découvres vraiment la réalité des hommes. C'est là où tu vois la réalité des hommes. C'est pas dans la vie de tous les jours où tu le croises à la mosquée, où tu le croises dans la rue. C'est pas ça vraiment connaître quelqu'un. Comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a demandé à quelqu'un, il lui a dit, est-ce que tu connais un tel? Il lui a dit oui. Mais tu as voyagé avec lui? Il lui a dit non. Tu l'as testé dans l'argent, dans le dinar et le dirham? Il lui a dit non. Il lui dit, alors tu l'as connu à la mosquée en train de s'incliner, se prosterner. Yani, tu le connais, tu le vois à la mosquée en train de s'incliner, se prosterner. Tu ne le connais pas réellement. Deux choses vraiment où tu connais une personne et sa réalité, c'est pendant le voyage. Parce que pendant le voyage, tu es avec lui 24 heures sur 24. Donc tu vois très bien comment elle est sa pratique. Tu vois très bien comment elle est son comportement. Tu vois très bien comment elle est sa serviabilité. Et dans l'argent, parce que tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu, les gens, ils peuvent être comme ils sont. Mais Allahu a'lam de leur réalité. Mais lorsqu'on est éprouvé avec de l'argent, dans l'échange de l'argent, dans le commerce, c'est là qu'on voit vraiment la personne vis-à-vis de l'argent, comment elle se comporte. Est-ce que ça lui tient vraiment à cœur ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment toujours elle-même ou pas? Et combien de surprises on a vues là-dessus? Qu'Allah nous préserve de tout mal. لا يجامل ولا ينافق ولا يماري ولا يجادل. Ce n'était pas quelqu'un qui avait un double langage, ni quelqu'un qui faisait de l'hypocrisie, ce qu'on appellerait nous un double visage. Il dit une chose là, il dit une autre chose là. Non, il disait les choses clairement et il ne cherchait pas la polémique. إن كان معه الدليل صدع به. S'il avait la preuve et l'argument avec lui, alors là, il prenait les devants. وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ خِلَافْ مَا هُوَ عَلَيْهِ قَالَ بِهِ وَرَجَعَ إِلَيْهِ. Mais si dans la discussion il apprend que c'était lui qui était dans l'erreur, alors il reconnaît son erreur, hein, et il prend la parole de la personne, parce que pour lui c'est devenu, c'est ça la vérité. وَهَذَا هُوَ دَأْبُ الْمُؤْمِنِينَ. Et voilà le comportement des croyants. Un véritable croyant, voilà comment il doit se comporter. Lorsque la preuve elle lui est montrée, il suit la preuve. Si c'est lui qui l'a, l'autre il doit le suivre. Si c'est l'autre qui l'a, alors il délaisse son opinion, puisqu'il lui, il a compris que son opinion n'était pas la bonne, mais c'est plutôt l'opinion de l'autre. Comme a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, une très belle parole. Il dit « Ra'yi sawabun yahtamilu al-khata, wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu al-sawab. » Mon opinion, c'est la vérité, mais il se peut qu'elle soit fausse. Et l'opinion de mon adversaire, c'est le faux, mais il se peut que ce soit le vrai. Subhanallah. Ça veut dire qu'au moment, l'opinion que j'ai prise, si je l'ai prise, c'est parce que je pense que c'est le vrai. Et si je n'ai pas pris ton opinion, c'est parce que je la considère comme le faux. Mais, dans la discussion, il se peut que tu me prouves que j'ai tort. De même que il se peut que je te prouve que tu as tort. Voilà. Voilà quelqu'un vraiment qui cherche la vérité. كما قال الله تعالى في كتابه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. Donc comme Allah il a dit, certes la parole des croyants, dans le sens du verset, lorsqu'ils sont invités à Allah et son messager, c'est de dire quoi? Nous avons entendu et nous obéissons. الآية وأشهد الله تعالى أنه رحمه الله قد أدى كثيرا مما عليه من خدمة الدين. Et il dit, et je prends Allah à témoin, qu'il s'est acquitté de beaucoup de ce qu'il devait propager, de ce qu'il devait enseigner de, comme religion. Yani, cette charge, hein, il s'est acquitté de beaucoup de cette charge. وَنَشَرَ سُنَّةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ. Et il a propagé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ صَادَفَ كَثِيرًا مِنَ الْأَذَى وَكَثِيرًا مِنَ الْكَيْدِ وَالْمَكْرِ فَلَمْ يَنْثَنِي وَلَمْ يَفْزَعْ حَتَّى لَقِيَ اللَّهِ. Et il a rencontré beaucoup de soucis dans son chemin, et beaucoup de problèmes, et beaucoup de ruses, et beaucoup d'embuscades. Mais il n'a pas cédé, et il est resté ferme jusqu'à qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il était très connu pour dire la vérité, même face à un public qui ne voulait pas l'entendre. De sorte qu'on a des audios, on entend des cris de gens qui veulent s'en prendre à lui, subhanallah, dans des conférences. Pourquoi? Parce que c'était des gens pris par le fanatisme qui ne veulent pas la réalité sur tel mouvement ou sur telle personne. Ils ne veulent pas entendre le vrai. Hein? Ils aiment quelqu'un, ils ne veulent rien entendre de mal sur lui, même si cette personne ou ce mouvement, il a tous les torts qu'il faut. Et lui, il était hors de question pour lui de cacher la vérité aux gens. Donc il le disait, et je vous le dis, il y a même une audio qui est connue, c'est en Arabie, où il fait une conférence où des gens ont éteint les lumières et ils ont voulu s'en prendre à sa propre personne, alors que c'était une personne âgée, rahimahullahu ta'ala. Mais il est resté ferme dans ses positions. وَكَانَ آخِرُ كَلَامِهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. Car, rahimahullah, avant de mourir, il était malade. Il est à l'hôpital et le cheikh là nous dit que la dernière phrase sortie de sa bouche, c'était le témoignage, l'attestation de foi de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et donc il y a aussi d'autres témoignages, hein, de shuyukh le concernant. Faslun fi dhikri ba'd mu'allafatih. Donc, on va citer quelques-uns de ses ouvrages. Minha kitab al-sifat al-ilahiyya fi al-kitab wa al-sunna al-nabawiyya fi dawi al-ithbat wa al-tanzih. Donc, c'est un ouvrage sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des plus prédécesseurs. Wa huwa min anfa'i kutubihi rahimahullah. Et c'est parmi les plus bénéfiques de ses ouvrages. وكتاب أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام. Lumière sur le chemin du prêche à l'islam. Et c'est un ouvrage qui englobe beaucoup de ces conférences qui vont dans ce sens. وكتاب مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة. Et là aussi, on a assemblé des petits ouvrages à lui dans un volume qui est recueil des livres de Mohamed Aman Jami sur la croyance et sur la sunna. De même qu'il a aussi Walisala bi'unwan al-muhadara al-difa'iyya 'an as-sunnah al-muhammadiyya, conférence sur la défense de la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il a un ouvrage qui s'appelle Haqiqat al-Démocratiyya wa annaha laysat min al-Islam, la réalité de la démocratie et que ce ne fait pas partie de l'islam. De même qu'il a un autre ouvrage qui s'appelle Haqiqat al-Shura fi al-Islam, la réalité de la Shura, la prise de conseil dans l'islam. De même qu'il a un autre ouvrage qui s'appelle Al-Aqidat al-Islamiyya wa tarikhuha, la croyance islamique et son histoire, l'histoire du dogme islamique. Et ça, c'est un ouvrage qui est traduit en français. C'est notre frère qui est en Canada qui l'a traduit, le frère Suleiman el-Haïti, qu'Allah le préserve. C'est lui qui a traduit ce livre-là, donc c'est un livre qui est traduit en français. Faslun fi dhikri ba'd talamidi. Donc là, on va citer certains des élèves de Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh a eu beaucoup d'élèves, donc j'essaye de résumer, et parmi lesquels les plus connus, Al-Sheikh Dr. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Il a aussi comme élève Fadilat al-Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. De même que Fadilat al-Sheikh Dr. Ali Nasr Faqihi, celui qui enseigne à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était aussi enseignant à l'université islamique de Médine. Et parmi lesquels aussi, Fadilat al-Sheikh al-Muhaddith Abdul Qadir ibn Habibillah al-Sindi, rahimahullah. De même que Fadilat al-Sheikh al-Doktour Salih al-Suhaymi, hafidhahullah, l'enseignant de Masjid al-Nabawi, de même qu'à l'université islamique de Médine. De même que al-Sheikh Ibrahim al-Ruhayli, enseignant à l'université islamique de Médine. De même que Fadilat al-Sheikh al-Doktour Bakr ben Abdallah Abu Zayd, rahimahullah. De même qu'il a eu comme élève Al-Sheikh Dr. Falah Ismail Mundakar, enseignant à l'université du Koweït, hafidhahullah, et bien d'autres élèves. Tayyib. Puis, donc, il nous parle de quelques-uns de ses bons comportements et caractères qu'il avait, rahimahullah. Le fait qu'il ne se mélangeait pas beaucoup aux gens, parce que son temps était bien calculé, que c'était quelqu'un qui préservait beaucoup sa langue sur les choses interdites, son pardon, il pardonnait beaucoup aux gens, de sorte qu'il n'aimait pas qu'on lui rapporte ce que les gens disent sur lui. Et il disait même, à beaucoup de ses élèves, « Dites aux gens qui parlent sur moi, même ceux qui m'ont fait du mal, que je leur ai tout pardonné. » De lui pour lui-même, pour sa propre personne, qu'il aura pardonné. Et subhanallah, je reviens là, il n'y a pas longtemps de la Umrah, et j'ai vu Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, qui est enseignant à l'université islamique de Médine, et il m'a rapporté le même propos, on parlait, et il m'a ramené ce propos. Et il m'a dit, Cheikh Mohamed Aman, il était là, il enseignait, et il n'aimait pas qu'on lui rapporte ce que les gens disent sur lui, il ne voulait pas l'entendre. Et il disait aux gens, dites à ces gens-là que je leur ai pardonné. Et puis il nous parle que le Shir faisait beaucoup attention et il demandait beaucoup après ses élèves. Et savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et le Shir était aussi connu pour être un grand savant dans le domaine du dogme, l'aqida. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'ouvrages dans ce domaine. Et il a beaucoup de commentaires de livres de aqida qui sont, alhamdoulilah, c'est des audios que beaucoup peuvent profiter, qu'on a, alhamdoulilah, qu'on peut retrouver même sur Internet, beaucoup de ces audios et de commentaires de livres de Aqida. Et c'était un imam et un savant de référence dans ce domaine. Maraduhu wa mawtuhu. Donc sa maladie et sa mort, rahimahullah. Laqad ubtuliya fi akhir umrihi rahimahullah ta'ala bi maradin udal. Donc il a attrapé une maladie très grave à la fin de sa vie. Hatta alzamahu al-firash. De sorte qu'il est resté allongé sur son lit. Nahwa'am, pendant une année. Fa sabara wa ihtasab. Et il a patienté, il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي صبيحة اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1416 هجرية et le matin du mercredi 26 de Sha'ban 1416 de l'Hégire, à peu près 1995-1996. أسلم روحه لباريها, son âme l'a quitté, رحمه الله تعالى. فصلي عليه بعد الظهر, on a prié sur lui après la prière de الظهر de ce jour. ودفن في بقيع الغرقد بالمدينة النبوية. Il a été enterré donc dans le cimetière de Baqi' qui est à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ce grand cimetière où s'y trouvent plus de 10 000 compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Wa shahida dafnahu jam'un kabir min al-ulama wal qudat wa talabatu al-'ilm wa ghayrihim. Et ont participé donc à cette prière et au cortège funèbre un grand nombre de savants, de juges et d'étudiants en religion et bien d'autres. Et aussi un point très important, c'est que le shir a eu beaucoup d'ennemis de son vivant et même après sa mort, rahimahullahu ta'ala, pour son franc-parler et pour ses mises en garde contre tous ceux qui dévient de la droiture et du chemin des pieux prédécesseurs. Et c'est même un des premiers qui a cité clairement les noms de certains, surtout en Arabie, et ça avait fait beaucoup de problèmes à l'époque, mais le shir était sûr de lui, de ce qu'il disait, et plus tard, on a bien vu que c'était vraiment, ce qu'il disait était vraiment réel, et ses craintes, elles étaient vraiment réelles, puisqu'on a vu le résultat de ses craintes, et beaucoup ont commencé à dire des choses sur lui, que c'était, par exemple, parmi les choses qui se disent, « Wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve de tout mal », que c'était quelqu'un qui travaillait pour l'État saoudien. Alors, une parenthèse, quelqu'un qui travaille pour le bien de l'État, il n'y a aucun mal là-dessus. Quelqu'un qui fait tout pour pas qu'un mal ne touche le pays, il n'y a aucun mal là-dessus. Quelqu'un qui veille à qu'il n'y ait pas un problème quelconque dans le pays et qui mettra en garde contre toute personne qui participerait, il n'a fait qu'un bien. Donc déjà, en lui-même, cet acte-là, ce n'est pas un mal. Mais que dire lorsque c'est des gens qui le disent mensongèrement? Wal'iyadu billah. Tout cela pourquoi? Par amour pour des sectes ou pour des innovateurs. Qu'Allah nous en préserve. Wa sallallahu wa sallam wa baraka anna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum.